Salam à tous. Donc cet audio s'intitule Ramadan, Mandela et les 5 erreurs. Pourquoi ce titre? Ben déjà, ma réponse va être de trois angles, de trois couches. La première couche, déjà pour faire taire les mauvaises langues qui touchent toujours la périphérie au lieu de toucher le socle argumentatif et qui vont sûrement dire, je ne suis pas cardiologue, je ne sonde pas les cœurs, mais je fais des hypothèses sur les choses apparentes. Ils vont sûrement dire, il a fait ce titre pour le buzz, il veut se faire connaître, etc. Je coupe tout court directement à cela, pour la simple bonne raison. De 1, Allah m'est témoin, et qu'Allah me maudit si je mens, je ne cherche en aucun cas le buzz, et au contraire, je suis quelqu'un qui veut à tout prix la discrétion. Et pour une simple bonne raison, comment faire le buzz, comment avoir un buzz, comme on dit, déjà ce terme buzz, ça fait un peu, voilà, un peu boutonneux, ado, mais comment avoir, acquérir un certain buzz si on ne se montre pas? Je veux dire, c'est illogique. C'est un peu comme si tu rentrais dans une boucherie et tu demandais à ce qu'on te donne un pneu de vélo, hein? C'est identique, c'est pareil. C'est, je veux dire, comment vouloir quelqu'un, comment une personne peut vouloir le buzz si elle ne se montre pas? Moi, je passe par le support audio pour la simple et bonne raison que je ne veux pas être connu, je ne veux pas faire du buzz. Là, je suis juste une voix qui va peut-être mourir tout de suite, dans 1 heure, dans 2 ans. Allahu alam, Dieu seul sait. Je ne suis qu'une voix parmi des milliers d'autres, tout simplement. Mais je passe par le support audio, tout simplement pour dire une chose, car cet adage célèbre nous dit, tu parles, tu meurs, tu te tais, tu meurs, alors parle et meurs. Moi, dans ce cas-là, je me dis, en ce moment, il y a quelque chose de très urgent et très inquiétant. Et voilà, je lance ma petite pierre sur l'édifice. Les savants ont fait le boulot, anciens comme contemporains. Chacun le fait à sa manière. Moi, je passe par le support audio tout simplement parce que ça me permet et ça me facilite dans le fait que je ne veux pas être connu. Voilà, je ne suis qu'une voix. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et pourquoi avoir ch choisi ce titre alors si je ne cherchais pas le buzz entre guillemets? Ben, pour la simple et bonne raison que là, on parle d'idéologie. Idéologie. Là, c'est pas une question de ci ou de ça, d'idéologie. Tariq Ramadan, qui a un certain public et qui voilà, qui fait ces choses de façon publique, parle au nom de l'islam, notamment dans cette courte vidéo où il fait mention de Mandela. Donc, il parle publiquement de l'islam. Donc, c'est plus, nous, on est, moi, je suis plus axé vers l'idéologie. C'est-à-dire que la personne de Tariq Ramadan, elle ne m'intéresse pas dans le sens, ça peut être quelqu'un de bien, il n'y a aucun problème là-dessus, ça peut être un excellent père de famille, un bon mari, ça doit être quelqu'un qui doit nourrir des nécessiteux, j'en sais rien, je sais pas, d'ailleurs je lui donne le bénéfice du doute et je dirais oui, sûrement, c'est pas ça le problème, c'est pas Tariq Ramadan en lui-même, hein, c'est l'idéologie. Donc comme il a parlé au nom de l'islam, donc il a parlé idéologiquement et en public, chaque musulman, via certains supports, doit répondre à sa manière. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est Tariq Ramadan, ça aurait pu être un autre, etc. C'est Tariq Ramadan par rapport à Mandela. C'est la première des choses. La deuxième réponse, c'est que personne est heureux qu'une âme ira en enfer. Voilà, je veux dire, quelque part. Ça rentre même dans la psychologie, je veux dire, c'est pas religieux là. Qui voudrait le mal d'autrui? Voilà. En général, personne ne se réjouit. Il n'y a pas de réjouissance à avoir. C'est juste que il y a des faits islamiques. D'accord? Il y a un dogme qui est immuable. Il y a des faits islamiques. Maintenant, Mandela. Pourquoi j'ai choisi Mandela? J'aurais pu choisir un autre. C'est pas vraiment le cas de Mandela qui m'intéresse dans le sens où. Il a sûrement pu, il a dû faire de bonnes choses. C'est pas ça le problème. C'était peut-être quelqu'un qui a fait de bonnes choses. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai pris Mandela comme symbole parce que, premièrement, c'est plus récent. Deuxièmement, ça a fait vraiment une sorte de boom, surtout dans le paysage franco-islamique. Et ça a fait une sorte de boom. Et c'est pas Mandela en lui-même et sa mort qui m'a intéressé, mais c'est la réaction des musulmans. Vous voyez? Donc en gros, je me sers un peu de l'exemple du décès de Mandela, dont je ne me réjouis pas dans le sens. Enfin, je demande pas mieux à ce que tout le monde meure soumis, mouahidine. soumis à Dieu. Je veux dire, tout le monde, normalement, chaque musulman doit penser ainsi. Mais il y a une différence entre respecter le non-musulman et respecter sa mort, hein. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le cortège funèbre d'un juif, il s'est levé par respect. Et ses compagnons ont dit, pourquoi vous levez, ya Rasulallah? Il a répondu, n'est-il pas une âme? Dans le sens où, d'accord, il y a un certain respect, mais en aucun cas il a pleuré, comme certains essaient de le faire croire, et en aucun cas il a invoqué pour lui. Donc, il y a le respect, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'est pas des animaux, on n'est pas des barbares sanguinaires qui se réjouissent de la mort de tout le monde, non. Mais il y a le respect, et en même temps, il y a le fait de ne pas déformer les recommandations divines. Ça, c'est très important. Donc Mandela ou un autre, je veux dire, il n'y a pas de réjouissance, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est l'éternel retour du concret. Voilà. Et la troisième réponse, par rapport à ce titre, ça c'est plutôt pour répondre aux gens qui disent, oui, mais attendez, les gens ont fait ça, le débat du siècle. Non, c'est pas question de débat du siècle ou non. C'est pas question de Mandela ou non. C'est pas question de savoir s'il ira en enfer ou au paradis ou non. C'est pas vraiment important ça. C'est tout simplement une question de dogme. C'est-à-dire pour la véracité, l'i'tiqad, pour la véracité des musulmans. C'est-à-dire ne pas déformer la parole d'Allah. D'accord? Ne pas séparer le spirituel du temporel et ne pas éclabousser toutes les règles juridiques. D'accord? Juridico-islamique et toutes les choses qui sont importantes et qui sont ancrées dans le Coran, dans la tradition prophétique. Et vous voyez dans l'histoire, hein, les chrétiens se sont égarés en innovant petit à petit. Je parle de l'innovation totalitaire. C'est ce qui s'est passé. Hein? Paul de Tarse, si on connaît la suite. Les juifs, pareil. Hein, d'accord, avec le prophète Ezra et ainsi de suite, Oser. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas question de débat du siècle ou non, c'est qu'en fait, c'est symbolique. C'est-à-dire que, si vous voulez, je me sers un peu de ce qui se passe en ce moment, donc de ce cas contextuel, pour tout simplement essayer de faire une réflexion générale. Et là, il y a eu quelques acteurs dans ce carcan, on va dire ça comme ça. Il y a eu la mort de Mandela, il y a eu la réaction de Tariq Ramadan, et il y a eu la réaction des musulmans. Quand je dis des, bien sûr, c'est pas homogène, hein, c'est hétérogène, etc. Mais je veux dire certaines parties de musulmans. Et leur réaction, je ne vais pas vous mentir, je vais vous le dire clairement, elle m'a étonné. Je veux dire, on arrive à un stade où, à un moment donné, c'est plus possible. Et qu'Allah m'éloigne de toute forme de prétention. Je ne dis pas ça genre pour dire, attention, tout le monde est ignorant, j'ai compris, je suis l'illuminé, moi et les frères qui m'entourent. Non, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes tous des ignorants. Notre connaissance n'est même pas la demi-goutte d'eau dans un océan. C'est pas ça le problème. D'ailleurs, voilà, ça c'est... On s'en fiche un peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est symbolique. Donc je me sers un peu de ce décès, de la parole de Tariq Ramadan, pour essayer d'être réceptif par rapport à la réaction d'une partie des musulmans qui vont jusqu'à inconsciemment ou non déformer la parole d'Allah en donnant la rahma sur une personne qui est morte, sur le statut, sur le hukm et sur le ism, sur l'étiquette légale d'une personne, donc de façon apparente d'une personne non musulmane. Une chose dont Allah n'a jamais demandé et une chose dont jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant sa vie, ainsi que les sahaba, etc. Donc ça c'est déjà pour répondre par rapport au titre. Maintenant, l'audio va se focaliser sur 5 points. Donc, Tariq Ramadan, dont je n'ai aucun souci humainement, je ne le connais pas, et je n'ai pas trop envie de le connaître, dans le sens où voilà, vite fait en préambule, Tariq Ramadan, ça n'a jamais été, n'a jamais fait partie de mon référentiel, d'accord? J'ai lu quelques-uns de ses livres, d'accord, dont récemment Mon intime conviction, contrairement à certains Ramadanis. À certains ramadanistes, hein, certaines personnes qui se réclament dans le ramadan et qui sont là mais qui n'écoutent que ses interventions télévisées. Non, j'ai lu certains livres, mais pas par intérêt pour lui ou pour son idéologie, mais plus pour contredire les détracteurs, contredire ceux qui s'apparentent à Tariq Ramadan, tout simplement. Tout comme j'ai pu lire Freud, Karl Marx, je lis ça, voilà, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas ça le problème, c'est que voilà, donc c'est idéologique. Ça aurait été Tariq Ramadan, ça aurait été un autre, ça m'importe guère, c'est pas important. Il a fait ça de façon publique. Il a parlé au nom de l'islam de façon publique. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent parce que les gens sont portés sur l'essentialisme, sur le sentimentalisme plutôt que le socle argumentatif. J'ai écouté, réécouté de grandes erreurs. Grandes erreurs dans cette courte vidéo. Et le truc, c'est que ça touche à l'islam. D'accord? À la religion d'Allah, exalté soit-il. On déforme, hein, qu'on le veuille ou non, on déforme la parole d'Allah. Et ça, c'est très grave. Parce que, en général, les détracteurs nous disent souvent, les littéralistes, vous avez une optique littérale, une vision littéraliste des textes, mais certaines personnes déforment littéralement la parole d'Allah. Et ces gens-là qui nous accusent d'être des littéralistes, alors que littéraliste, mais où ça? Où ça, sincèrement? Vu que on se réfère, est-ce qu'on dit, se réfère tout simplement aux exégètes, mufassirin, anciens comme contemporains, par rapport aux règles de Sourate al-Tafsir, des bases de l'exégèse, hein? Introduction au fondement de l'exégèse même. Je veux dire, il y a al-manat wal-hikma, la cause et la sagesse, cette règle-là qui nous permet de ni tomber dans le laxisme, ni dans l'extrémisme, etc. Enfin, soit c'est un autre sujet. On va directement aller dans le vif. Donc, il Tariq Ramadan commence en citant par exemple le verset. Donc, en citant donc, le premier point, vu que j'en ai relevé 5, le premier point, il cite le verset. Wallahu sha'allahu la ja'allahum ummatan wahida. Ce qui veut dire, et si Allah avait voulu, il aurait fait une seule communauté. Ce qui est important à savoir là, c'est que la volonté d'Allah, et ça c'est une très grande confusion qu'il a fait, la volonté d'Allah est la volonté juridique, donc religieuse juridique, est la volonté universelle. Je n'invente rien, j'innove dans rien. Il suffit tout simplement d'aller puiser, d'aller voir, d'aller vérifier dans les ouvrages de référence en cette matière. D'accord? Concernant le qadar, concernant ce sujet-là. Donc, on y revient. Il y a la volonté juridique. La volonté juridique, c'est quoi? Donc, la volonté qui est toujours rédigée par la sagesse d'Allah. D'accord? Qu'elle soit universelle ou juridique. Juridique, donc religieuse, la volonté d'Allah religieuse est tout simplement toute bonne œuvre. Toute chose agréée que Allah, l'exalté soit-il, aime. Ensuite, il y a la volonté universelle. La volonté universelle, c'est les choses que les créatures d'Allah font, mais que Allah ne peut ne pas forcément aimer, ou n'aime pas, tout simplement. Et donc, ça revient à dire, comme les grands savants, les juristes, les fuqaha, experts dans cette science-là, dont Shawkani, par exemple, ou bien Ibn Hazm, expliquent que la volonté universelle, c'est quoi? C'est donc des choses qui sont faites par les créatures dont Allah n'aime pas, mais dont il est au courant, car Allah sait tout, dicté par son infinie sagesse et sa puissance. Et donc, les créatures qui sont, via le support de leur libre arbitre, ce qui nous différencie des animaux, ou bien des anges, etc. Mais attention, c'est totalement opposé. Quand je dis les anges, on me comprend, parce que les anges ont été créés que pour adorer. Il n'y a pas la notion de désobéissance, d'injustice, de dhulm, etc. Et les animaux, en même temps, voilà. Fin soit. Et donc, de par leur libre arbitre, ils vont choisir de faire du mal ou non. D'accord? Donc, quand Allah parle de communauté, parce qu'indirectement, ce que Tariq Ramadan essaie de nous dire quand il cite ce verset-là, et si Allah avait voulu, il aurait fait une seule communauté. Ce qui voudrait dire que il porte un trait au pluralisme. Il n'y a aucun problème là-dessus, on le sait. Je veux dire, tout le monde est au courant qu'il y a différentes ethnies, différentes cultures, etc. C'est pas ça le problème. Mais indirectement, on est en droit de se poser la question suivante. Est-ce qu'il prend ce verset pour essayer de nous faire comprendre que tout simplement il y a un pluralisme, on peut se respecter sans pour autant dire et être convaincu que toute personne qui n'agréera pas une autre religion que l'islam ira au paradis, donc être convaincu que tu restes négateur de l'islam, négateur du tawhid, négateur d'Allah et de ses messages qui sont abrogeants des autres. Être convaincu qu'une personne qui ne croit pas à ça ira en enfer, et peut aller au paradis sous prétexte qu'il a différentes communautés, donc peut-être différentes religions, et donc peut-être différentes voies pour aller au paradis, peu importe si c'est la voie légalisée par Allah. Si c'est ça, si c'est exactement ça qu'il essaie de dire, c'est qu'il y a un problème. Si c'est tout simplement pour dire, voilà, il y a un pluralisme, il faut respecter, etc. Si Allah l'aurait voulu, il aurait fait une seule communauté, donc il y aurait pas tout ça. Là, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Il y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que c'est... Voilà, parce que c'est un peu malsain, parce que ça vient juste après une série de choses concernant Mandela, mais de toute façon Mandela n'est pas, c'est pas vraiment important, mais je veux dire c'est le symbole même. Donc le fait de mourir dans une mécréance apparente, donc pas musulman, et tout simplement invoquer pour lui, etc., dire qu'il ira peut-être ou pas peut-être, il est ci, il est ça au paradis ou non, etc. Mais si en se basant sur ce verset-là et en taclant tout simplement le fait, parce que on a tendance à dire les littéralistes, les si, les wahhabis, alors que le wahhabisme, ça veut tout et rien dire. La plupart des gens qui utilisent le terme wahhabi en général ne savent même pas ce que c'est. Le salafisme a plusieurs mouvements, hein, d'ailleurs qui sont ennemis l'un de l'autre idéologiquement et des fois physiquement, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais enfin, soit, les littéralistes, ces gens-là ont tendance à dire que les littéralistes ont l'esprit restreint. D'accord? Ils sont restreints, etc. Mais excusez-moi, en prenant un verset et en prenant seulement la volonté juridique, c'est le restreindre. Vous voyez? Parce qu'il y a la volonté universelle, la volonté religieuse, juridique. Mais quand Allah parle de communauté, il sait très bien qu'il est de plusieurs communautés, il sait très bien que dans ces communautés-là, il y aura des négateurs, des mécréants, hein? Des non-musulmans. Il le sait très bien. Est-ce que ça veut dire qu'Allah approuve cela? Non. Il y a d'autres versets où Allah parle des corrupteurs, où Allah parle des injustes, où Allah, l'exalté soit-il, parle des mécréants, des trinitaires, et ainsi de suite, des adorateurs de Ezra, pardon, Uzair, etc. Est-ce que ça veut dire que Allah approuve cela? Non. Tout simplement, il relate, il dit, il y a plusieurs communautés. Donc indirectement, il ne faut pas tomber dans ce piège en disant, ah, donc c'est la volonté juridique. Ça veut dire la volonté d'Allah, ça n'a aucun problème, et c'est le point similaire entre la volonté juridique et la volonté universelle. Mais en plus de ça, Allah aime cela. Le fait qu'il y a plusieurs communautés et qu'il y a plusieurs religions. Non. Là, je dis stop. Et c'est pas moi, c'est pas moi le jeune abruti qui est en train de parler en ce moment qui dit stop. Ce sont les savants. Anciens comme contemporains, les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'exalté soit-il, quand il parle du fait qu'il agrée la seule religion, l'islam. Et on va revenir à ce point-là. Et donc, il faut faire attention. Hein? Quand on parle tout simplement du fait qu'Allah relate des choses, ça ne veut pas dire indirectement qu'il aime cela. D'accord? Plusieurs communautés, d'accord. Plusieurs communautés, etc. Mais est-ce qu'on essaie de dire, oui, mais plusieurs communautés, donc indirectement, peut-être plusieurs traditions, et puis après on va jouer un peu plusieurs religions. Alors, il y a plusieurs chemins, plusieurs cheminements pour aller au paradis, même si ta religion est différente, du moment que tu es quelqu'un de bien. Voyez? Donc là, c'est très, très, très, très grave, quoi. Faut faire attention. Ensuite, au deuxième point. Deuxième point, donc, dans la vidéo, un moment. Il parle du fait que la seule religion agréée par Allah est l'islam, mais voilà, vous savez, l'islam c'est plus vaste que ça. Il y avait une sorte de soumission, une sorte d'aslama au temps de Moussa alayhi salam, de Jésus, de Issa, etc. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Personne ne va contredire. Mais c'était un moment précis, un moment temporel, dans le sens où c'était les apôtres de Moussa alayhi salam qui ont vraiment suivi le message de l'époque. Et ceux qui étaient autour de Isa alayhi salam, pas ce qui s'est passé par la suite. Hein? Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une confusion, sur le peu que j'ai écouté dans cette vidéo, entre une chose, entre plusieurs réalités. Parce qu'on nous apprend dans Usul al-Fiqh, dans les bases de la jurisprudence, que dans le Coran, et dans la vision d'un verset, et ensuite dans le quotidien du musulman, il y a trois formes de réalité. Al-Haqa'iq. Haqiqatu shar'iyya, ce qui veut dire la réalité légale. Ensuite, haqiqatu al-lughawiyya, ce qui veut dire la réalité linguistique. Et enfin, haqiqatu al-khulfiyya, ce qui veut dire la réalité usuelle. Et ce que les juristes nous apprennent par cela, c'est que tout ce qui est attrait au Coran rentre dans la réalité légale. D'accord? Le linguistique et l'usuel entrent dans d'autres choses. Et même quand la réalité linguistique rentre dans le Coran, c'est tout simplement parce que elle n'a pas dans la réalité légale un autre chemin, une autre définition. Comment expliquer? On va faire simple. On va prendre par exemple le cas de la salat, prière. Linguistiquement, dans le lorawiya, ça veut dire l'invocation, d'accord? Le fait d'invoquer. Mais dans la réalité légale, on nous explique, il y a toute une codification qui nous explique, Allah nous explique comment du début, donc à partir du takbir jusqu'à la fin, au tasrim, comment faire la salat. Donc elle n'est pas seulement attrait à l'optique linguistique. Et là maintenant, quand on fait mention de islam dans le Coran, il faut voir la réalité légale. D'accord? Légale par Allah. Et cette réalité est tout simplement le fait que elle a été abrogeant, d'accord? Abrogeant des autres messages, et que maintenant elle est claire et nette. Il n'y a rien à rajouter, rien à retirer. Elle est établie. Et l'islam ne se limite pas tout simplement à une soumission qui est intemporelle, même bien avant le Coran. Donc, c'est-à-dire que si on va puiser dans les croyances de l'époque, alors qu'elle n'a que leurs codifications ont été abrogées, c'est pas grave, on prend parce que voilà, l'islam c'était comme la soumission. Voilà. Non, on va prendre un exemple tout simple. À l'époque du prophète Youssouf, on pouvait se prosterner devant des personnes. C'est-à-dire que les frères de Youssouf, quand ils l'ont revu par après, pour se faire pardonner, ils se sont prosternés devant lui. Et Youssouf n'a vu aucune objection par rapport à ça, parce qu'à l'époque, c'est une forme de courtoisie. D'accord? Une forme de courtoisie. Ça n'a pas été aboli. Et on connaît tous le hadith qui est connu de Mu'ad ibn Jabal, qui s'est prosterné devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est épris d'une certaine colère, mais toujours édigé par une sagesse, donc une colère juste, pour lui dire: relève-toi. C'est une pratique qui ne fait pas partie de l'islam. Donc, est-ce que ça veut dire indirectement que Youssef alayhi salam a laissé faire ses frères une injustice sans dire quelque chose? Non! Le prophète Youssouf alayhi salam était quelqu'un de juste, mais il y avait cette forme de charia en son temps, cette codification en son temps. Il y avait la soumission à Allah, mais une codification temporelle en son temps. Et donc, ce qui est très important, c'est quand on dit qu'on a agréé l'islam, ça ne se limite pas à tout simplement croire en une entité. Vous voyez, parce que at-tasdiq, par exemple, at-tasdiq, le fait d'avoir la foi en soi, même Iblis là, parce que Shaitan croit en Allah Azawajel. Il sait que l'islam est la vraie religion. Mais pourquoi Allah dans le Coran dit qu'il fait partie des Ahlul Kafirun, des négateurs, des mécréants? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la codification islamique n'est pas entrée dans son cœur et donc se voit à travers ses actes. Parce qu'il a seulement cette croyance-là. Et ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, des siècles en arrière, un homme du nom de Jahm ibn Safwan et d'autres qui l'ont suivi, comme Mohamed Al-Amin et d'autres, ont émis des analogies totalement faussées, erronées, qui ont été réfutées par les savants du juste milieu, à savoir, pour être musulman, il suffit seulement de croire une sorte d'entité divine. Alors, indirectement, tous les chrétiens, etc., qui sont autour de nous, peuvent rentrer, avoir la miséricorde d'Allah. Non, c'est une codification. C'est ça qui fait le juste milieu. C'est-à-dire, ni trop laxiste, dire « je crois en une entité divine », etc., Mais comment déjà tu y crois? Et ni trop extrême. C'est le juste milieu. Et ce juste milieu-là est en coordonnance avec le Coran, la Sunna et sa codification. Ça qui est important. Il faut pas jouer sur les mots, parce que quand on rentre dans le domaine du Coran, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les fuqaha, ce sont les juristes, ceux qui sont experts dans la science des fondements de la jurisprudence islamique, ils te disent tout ce qui a trait au Coran est dans la réalité légale. Donc à ce moment-là, l'islam, sa définition est tout simplement donc la parole, les actes et le cœur. L'un ne va pas sans l'autre, et ça rejoint la définition de l'iman, de la foi. Et donc c'est très important. Le fait de croire en une entité divine. Par exemple, on dit souvent, un tel, il est croyant, même s'il n'est pas musulman, il est croyant. Mais non, il ne suffit pas seulement de croire, vu que Shaitan croit aussi. Est-ce qu'Allah est injuste parce qu'il a mis Shaitan parmi les Ahlul Kafirun? Non, parce qu'il avait, si vous voulez, dans l'essence même de son cœur, une croyance, la croyance en Allah. Et pour d'autres, on va faire l'analogie, la comparaison en disant une croyance en une entité divine. Mais sa codification n'a pas fait en sorte qu'il soit musulman, qu'il soit soumis. Donc, chrétiens, juifs et autres, comme Allah le dit clairement dans le Coran, ils peuvent croire en une entité divine, mais ça ne fait pas de eux des musulmans. Pourquoi? Et donc, la seule religion agréée par Allah qui peut ouvrir les portes au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été codifiée dans le sens légal. C'est ça que les gens doivent vraiment comprendre. C'est important. Un exemple aussi que j'ai aimé, qu'on trouve dans Hayatul Sahaba, donc l'histoire des compagnons, à la page 29. C'est une anecdote entre Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, et un moine ascète. Donc c'était un moine réputé, ascète, etc. Et il y a un sahabi qui était qui se tenait aux côtés de Omar ibn Khattab, qui le présente, qui présente au moine. Et il dit au moine, voici l'émir des croyants, émir al-mu'minin. Et là, Omar ibn Khattab commence à avoir des larmes, il commence à pleurer. Et le sahabi lui demande, qu'y a-t-il, ya Omar, ya émir, qu'est-ce qui se passe? Et là, qu'est-ce que répond Omar ibn Khattab? Il dit, je me suis rappelé de la sourate qui dit, Amilatunasiba, préoccupé, harassé, il brûlerait dans un feu ardent. J'ai eu pitié de lui, de son effort, sa fatigue, alors qu'il ira au feu. Vous voyez? Donc Omar ibn Khattab, bien qu'il voyait que ce moine était ascète, etc., il savait que, excusez-moi, il savait que si il mourait dans cet état apparent de négateur à l'islam codifié dans son sens légal, c'est-à-dire reconnaître, unifier Allah dans la codification islamique qui a abrogé les autres messages, s'il reste dans cet état-là, il craint pour lui l'enfer. Vous voyez? Donc ça lui a fait mal. Amilatunasiba, préoccupé, harassé. Et ils brûleront dans un feu ardent. Ça lui a fait mal. Pourquoi? Parce que voilà, Omar ibn Khattab savait très bien que celui qui n'accepte pas la religion islamique, donc la seule religion agréée par Allah, peu importe s'il croit en une entité divine, ça n'a pas été codifié, il sait que comme Allah le dit clairement dans le Coran, que leur séjour sera en enfer. Ça ne veut pas dire que nous, simples mortels, sachons directement la destination de chacun, vu que la matrice, ce qui révèle du cœur revient à Allah. Mais nous, nous jugeons sur les actes apparents, et ça va venir dans un autre point, sur les actes apparents, c'est-à-dire que une personne qui meurt dans un état de non-soumission à Allah, donc à l'islam et à sa codification, etc., ne peut rentrer au paradis parce que c'est Allah qui nous le dit. Au bout d'un moment, il faut vraiment comprendre ça, douter que le fait qu'une personne non musulmane peut aller au paradis, c'est douter indirectement de la parole d'Allah qui nous dit le contraire clairement. Vous voyez? Et l'un des meilleurs exemples, c'est le cas de Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui pourrait dire, qui ici qui écoute cet audio, qui pourrait me dire que Mandela, par exemple, pour prendre son cas à lui, j'ai rien personnellement, enfin, je n'ai rien contre cet homme, mais je veux dire, pour prendre son cas à lui, parce que c'est ce qu'il y a en ce moment, c'est ce qui est le plus récent, c'est ce qui est d'actualité, qui pourrait dire que Mandela fait plus de bien que Abu Talib? Abu Talib, il a subi l'oppression, d'accord? Un embargo, hein? Tous les Quraychites, la plupart des notables parmi les gens de Quraysh se sont réunis contre lui parce que Abu Talib a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu jusqu'à sa mort, mais il n'a pas voulu shahad. Shahad, avec ce qui implique son implication, le mécanisme de la shahada, il n'a pas voulu shahad, juste shahad. Et pour cela, Allah a fait descendre le verset qui dit que ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas toi qui guides en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Allah qui guide. Donc, le prophète sallam a commencé à pleurer, et Allah, par l'ange Djibril, a fait descendre ce verset qui fait comprendre directement que c'est pas à nous, nous on fait des efforts, on est le sebab, on est la cause, mais si Allah décide qu'une personne ne soit pas guidée, elle ne sera pas guidée. Or, là on parle de Abu Talib, on parle pas de Mouloud Garagiste du coin. Abu Talib qui a fait que du bien dans le sens où il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était quelque chose d'apparent, on voyait, nous on le voit pas, mais nous croyons au récit, et les sahaba voyaient cela. Et ensuite, ça a été relaté jusqu'à nous, alhamdoulilah, de par la tradition prophétique, de par la sunna, de par le hadith, de par les athar. Et donc, il a fait mieux que Mandela, mieux que quiconque, que Mère Teresa, etc., que n'importe qui. Il a défendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, Allah lui a promis l'enfer parce qu'il n'a pas voulu accepter l'islam. Donc, de façon apparente, il n'était pas musulman. Et ensuite, dans ce qui rentre entre la relation entre cet homme qui est Abu Talib et Allah, Allah connaissait le contenu de son cœur. Et dans ce contexte-là, il a favorisé le prophète sallam en lui disant directement, en lui donnant directement le verdict. Quand je dis favorisé, bien que ça a fait du mal dans l'amour inné du prophète sallam, d'où le fait que ça s'est déclaré par ses pleurs et ses larmes, Il y a ce qu'on appelle la mahabba contrôlée, la mahabba innée. La mahabba innée, c'est quand t'aimes ton oncle, ta mère, ton père, etc. Même si c'est des mécréants. Et puis il y a la mahabba qui est contrôlée, qui est codifiée, qui fait en sorte que le prophète sallam a accepté cela. Parce que il a la foi en Allah. Donc il accepte cela, mais en même temps il a pleuré. Pourquoi? Parce que c'est l'amour inné. C'était son oncle. Et l'oncle du prophète a fait mieux que Mandela et quiconque. Pourtant, sa place est en enfer. Selon Allah, et ceux-là qui doutent de la parole d'Allah, un problème. Il est mécréant, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est même les plus laxistes, hein. Même les Hanafis, ceux qui se réclament de la Hanafiya, d'accord? Donc même les madhhab, les plus tolérants, entre guillemets, sont clairs et catégoriques là-dessus. Celui qui doute d'un verset d'Allah, celui qui doute d'une parole d'Allah, a mi-cru, d'accord? Il est négateur. Alors, comment comparer cet exemple? Je vais dire, c'est hallucinant. On arrive à un moment où ça devient hallucinant. Abu Talib, le prophète sallam, il n'a pas invoqué pour lui, il n'a pas fait la rahma. Il y avait le respect. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut le respect. Mais il y a une différence entre déformer les recommandations légales divines et le respect. Tu respectes, mais si Allah te demande de pas faire d'invocation de rahma, etc., pour telle personne qui est morte de façon apparente dans la non-islamité, tu n'as pas à le faire. C'est ça que les gens doivent comprendre. Tu n'as pas à le faire. Vous voyez? D'ailleurs, il y a un verset où Allah dit Ahlul Kitab, donc Ahlul Kitab, les gens du livre, wal mushrikun. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les mufassirin disent, regardez, Allah dit Ahlul Kitab, donc les gens du livre et les associateurs. Allah n'a pas dit Ahlul Kitab ou El Kafirun. Pourquoi? Parce que si ça aurait été dit de telle façon, on aurait vu quoi? On aurait vu les gens du livre et les mécréants. Ce qui veut dire que, indirectement, les gens du livre ne sont pas mécréants. Parce que Allah a dissocié les gens du livre et les mécréants. Or, cela est faux. Parce que Allah dans le Coran, il dit quoi? Il dit Ahlul Kitab ou El Mushrikun. Ça veut dire les gens du livre et les associateurs. Mais l'association est une extension du kofr. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le kofr est le terme général. Mais le kofr englobe plusieurs fractions. Et l'association est une forme de kofr. Et les Ahlul Kitab visés dans ce verset-là étaient des négateurs. Donc des kofars, mais ils n'étaient pas associateurs parce qu'ils n'associaient pas Allah. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est important. C'est-à-dire, les gens du livre, il y a le respect. Ce que vous voulez, il manquerait plus qu'il y a le contraire. Mais il y a une différence entre le respect, donc donner le respect, et déformer les paroles et les recommandations d'Allah. Et faire croire à certaines personnes, parce que pour moi, on respecte plus les non-musulmans en leur disant clairement la vérité, qu'en disant, mais c'est pas grave, tu sais, tu nourris un pauvre de temps en temps, et puis de temps en temps, tu donnes 50 cents à un autre pauvre, etc. Enfin, t'es quelqu'un de bien, t'iras au paradis, même si tu crois pas en Allah. Non, tu le manques de respect, là. Tu veux son bien, tu veux l'embellir de la personne, tu veux vraiment son bien, tu lui fais comprendre que ce qu'elle croit a été altéré à travers l'histoire, a été falsifié, tout simplement, et que la seule religion agréée par le divin, agréée par Dieu, est l'islam. Faut arrêter cette démagogie, faut arrêter cette façon d'avoir toujours le dos courbé. Non, il faut avoir une certaine haïs, une certaine fierté, et en même temps, pour le bien, c'est une forme de sagesse d'être par moments sec, frontal, et ne pas laisser des égarements rentrer dans la vision islamique globale. Ça, c'est très important. Et les gens font pas attention à ça. Enfin, soit. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu le troisième point. Oui, vite fait, en préambule, c'est un audio, là va vite. Hein. Donc, j'avais écouté, je viens d'écouter la vidéo. Enfin, je l'avais écouté hier, aujourd'hui. Donc, enfin, j'ai vite pris note des cinq sur un bout de papier. Donc, le troisième, c'était concernant le jugement. Donc, à un moment donné, Tariq Ramadan dit. Faut arrêter, faut cesser d'être toujours dans le jugement, etc. On ne connaît pas les cœurs, Allah seul connaît le cœur, etc., etc. Mais, subhanallah, premièrement, il n'y a aucun problème là-dessus. Le cœur est réservé à Allah. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Personne ne dira le contraire. Par contre, Allah nous dit quoi dans le Coran? Yahkum, juger d'après ce que j'ai fait descendre. Donc, Allah nous demande de juger selon les actes apparents. Et je vais vous dire clairement. D'ailleurs, j'ai fait un audio qui, il y a 5-6 ans qui s'appelle Réponse au prétendu, tu n'as pas le droit de juger. Allah nous dit clairement, dans le Coran par exemple, Yahkum, juge d'après ce que j'ai fait descendre. Donc, ce que je vais dire là, c'est ma pensée, ça n'engage que moi, et je suis convaincu que c'est la vérité. La phrase qui consiste à dire tu n'as pas le droit de juger est l'une des phrases les plus hypocrites qui existent. les plus hypocrites qui existent. Parce que tout le monde juge, aussi bien dans le domaine islamique que dans le domaine mondain. Le jugement, donc le fait d'établir, si vous voulez, un constat, d'accord? Un constat visuel qui va engendrer un jugement et que ce jugement va engendrer une réponse négative ou un fait ou un geste négatif ou positif, un approuvement, une prohibition ou non, ça fait partie de la vie. D'accord? On nous jugeons sur les actes apparents. D'accord? Donc à ce moment-là, pourquoi on va s'interdire de juger si Allah nous demande non seulement de juger, mais en fonction des jugements qu'on va faire, d'appliquer des formalités islamiques. Un exemple tout simple. Il y a le cimetière musulman, le cimetière chrétien. D'accord? Si on n'est plus apte à juger l'islamité d'une personne ou non, on l'enterre où? D'accord? Allah dans le Coran, par exemple, nous dit de ne pas donner les musulmans aux non-musulmans. Si on ne peut pas juger l'islamité d'une personne, c'est l'anarchie, c'est la porte ouverte à tout et à tout le monde, et c'est la fiesta, et ça devient n'importe quoi. Tout le monde se marie avec tout le monde, et les musulmans se marient avec, je ne sais pas moi, des Francis Lalanistes, j'en sais rien moi. Enfin, voilà, vous comprenez. Donc, déjà, le fait de dire jugement qui appartient à Allah, c'est vrai, c'est bien. Vous voyez, c'est un peu la méthode Chaoukani qui reprend une citation, mais en même temps pour la mettre en faveur de l'islam et en défaveur de cette pensée démagogique. C'est un peu comme l'habit ne fait pas le moine. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à le devenir. L'habit ne fait pas le guerrier, mais il aide à le devenir. Tu vas pas aller en boxer ou en slip au front. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des choses. En fait, c'est du sophisme. Hein. C'est des arguments dans l'ordre. C'est fallacieux. Pourquoi? Parce que, en même temps, oui, c'est vrai que Allah est seul détenteur du cœur. Nous ne sommes pas cardiologues. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais nous devons juger selon les actes apparents. Sinon, à ce moment-là, si on ne peut plus émettre de jugement, comment on va établir des formalités et des restrictions islamiques qui sont tout simplement le résultat d'un jugement humain qui est certes, qui n'est pas infaillible, qui n'est pas parfait, mais Allah nous demande de faire le minimum qu'on peut. D'accord? Dans un tribunal islamique, le qadi, il juge avec ce qu'Allah a fait descendre. D'accord? Dans la vie de tous les jours. Un truc tout simple. Tu es le père d'une fille, on vient lui demander la main, et puis ton constat visuel a fait en sorte que tu as vu que la personne avait des traces bizarres sur le bras. Et donc, ton constat visuel engendre quoi? Tout simplement, le fait d'entamer une petite enquête. L'enquête, elle va s'avérer dans quel sens? Soit parler directement à la personne, lui poser des questions, soit faire une enquête sur son entourage. Donc là, tu es tiraillé entre le bon soupçon et le mauvais soupçon. Le bon soupçon, c'est qu'il est en train de donner son sang aux malades. Le mauvais soupçon, c'est que c'est un toxicomane. En fonction de la réponse, même si nous demandons toujours à donner le bon soupçon, en fonction de la réponse, tu auras le jugement qui sera porté sur le positif ou le négatif. C'est-à-dire, si je te donne la bénédiction pour que tu te maries à ma fille ou non. Donc voilà, ça c'est un exemple un peu léger, un peu mondain, mais pour vous dire que dans la vie de tous les jours, on est basé sur les jugements. Et dans le point de vue islamique, c'est comme ça. Yahkoum, juger d'après ce que j'ai fait descendre. Dans la vie de tous les jours, d'accord? Et c'est quelque chose qui est légal, dans la réalité légale. Et nous, ce qu'on a vu de Mandela, par exemple, pour prendre son cas, parce que voilà, quelque part, c'est par rapport à ce qui se passe à l'actualité, c'est qu'on n'a pas vu quelque chose d'apparent qui l'affilie à l'islam. D'accord? D'ailleurs, pour aller un peu plus loin et un peu creuser, on peut trouver des traces dans lesquelles Ahmedida dit qu'il a essayé, mais en vain, de l'attirer vers l'islam. D'accord? Et c'est pas parce qu'on voit quelques photos où il fait dua que ça y est. Il y avait le pape Jean-Paul II qui embrassait le Coran aussi. D'accord? Après, nous, moi je demande pas mieux qu'il a shahad avant de mourir. On demande pas mieux. Mais nous, on veut pas le mal des autres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça. Mais Allah nous demande de juger sur l'apparent. C'est pour ça que c'est très grave, c'est très important aussi. Parce qu'il ne faut pas ramener des innovations totalement blâmables en islam. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a procédé de cette manière. Vous voyez? Et après, c'est la porte ouverte à l'anarchie. Alors Bush aussi, et Sharon, et pourquoi pas Salah Janaza sur Sharon aussi, parce que peut-être il a shahad dans son coma, et ainsi de suite. Vous voyez? Et après, c'est la porte ouverte, subhanallah. Et il ne faut pas éclater l'islam de l'intérieur. De toute façon, même quand ça vient de l'extérieur, mais je veux dire, faut pas toucher au dogme. Et là, c'est clair là-dessus. Et c'est pas moi, le minable abruti qui est en train de parler, qui le dit. Subhanallah, ce sont les mots faits sérines de chaque verset, contextuel, généraux, abrogé, abrogeant, avec la règle d'Elmanat ou al-Hikma, avec la règle du minimal et du maximal, etc. Toutes des choses qui sont ancrées dans la notion des fondements de l'exégèse. Et ça, c'est important. Très important. De toute façon, c'est des outils que je donne. Les gens, ils peuvent faire leur recherche. D'accord? Sur les actes apparents, nous jugeons sur les actes apparents. Un jugement n'est pas tout le temps péjoratif. Il faut arrêter. Le hukm, le statut d'une personne, c'est rentre dans le carcan islamique. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça va engendrer des restrictions islamiques qui nous sont demandées par Allah et obligées, qui nous sont recommandées et qui nous sont obligatoires. Vous voyez, donc ça c'est très important. Donc cette démagogie et ce sophisme, oh, pas le droit de juger, etc. Tupac, all in God, judge me, etc. Enfin soit, hein, je me comprends. Non, faut arrêter. Et c'est pas Tariq Ramadan. Personnellement, c'est pas ça. C'est l'idéologie. Comme j'ai dit au début de l'audio, c'est symbolique. Ça aurait pu être un autre. Non, c'est venu à ce moment-là. Je prends. Pourquoi? Parce que voilà. Tu parles, tu meurs, tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Moi, Yom al-Qiyamah, j'aimerais au moins dire à Allah que j'ai défendu cette vision-là quand il y a eu ce boom de la part de. Et des réactions assez farfelues et assez bizarres de la part de beaucoup de musulmans. Enfin, soit. Je me suis un peu emporté là, non? Quand même. Hein. Ok. Donc, ensuite, le quatrième point. Quatrième point. Voilà. Le quatrième point. C'est pas vraiment une erreur, mais bon, voilà, il faut toujours mettre les points sur les i, bien rétablir les choses, surtout quand ça parle d'islam. À un moment donné, donc, Tariq Ramadan parle du fait que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses bien et compagnie. Voilà. Ouais, c'est possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Et que, voilà, le musulman doit reconnaître qu'il a fait des choses bien. Ok. Mais le fait de reconnaître qu'il a fait des choses bien, c'est une chose. Le fait de transgresser la parole divine et la tradition prophétique pour tout simplement essayer de rentrer dans une optique fantasmatique, à savoir peut-être ci, peut-être ça, limite, certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes dire qu'il était martyr, hein, martyr, et donc sa place serait auprès de Dieu. Ça va très loin cette histoire. Il y a une différence entre le fait de respecter certains choix de sa vie qu'il a fait, il n'y a aucun problème là-dessus, je veux dire, il n'y a aucun problème. Et en même temps, il faut dissocier bien cela et le fait de déformer la parole d'Allah pour donner la rahma dessus, faire des doigts dessus, etc., dont le prophète n'a jamais fait. C'est ça qui est important à savoir. Vous voyez? Et donc, à un moment donné, Tariq Ramadan essaie de dire, oui, mais vous savez, il était pour la Palestine. Et ça, subhanallah, ça c'est un point sociologique très important. J'ai remarqué depuis un moment, et notamment depuis la mode de la pseudo-dissidence, c'est que être anti-sioniste, donc anti-israélien, hein, pour faire plus court, c'est un badge, une carte VIP, carte de membre, dans le sens où t'antisioniste, c'est bon. Vous voyez, c'est un peu comme une religion, c'est la religion de l'antisionisme. C'est plus l'anti-coffre avec tout ce qu'elle détient comme extension, c'est l'antisionisme. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as blasphémé, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu mens sur l'islam, peu importe qui tu soutiens, peu importe quel tyran tu soutiens, peu importe combien de litres et de sang musulmans tu as dans les mains, tu es antisioniste, tu es mon ami. Donc vous voyez, indirectement quand il dit, oui, vous savez quoi les musulmans, Mandela il soutenait la Palestine, mais c'est bien machallah, je veux dire, c'est bien, et alors? D'accord, il soutenait la Palestine, d'accord, c'est très bien, et moi j'aime le Nutella, produit blanc, voilà. Je veux dire, il loue le rapport. Et c'est ça qu'ils doivent comprendre. Il y a un respect pour certaines de ses actions, il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'espère, moi sincèrement, j'espère, Inch'Allah, qu'avant de mourir, il a shahad. J'espère, sincèrement, j'espère. Mais nous, on ne peut pas. Vous voyez, en fait, nous, en tant que mortels, en tant qu'humains, en tant que créatures d'Allah, nous sommes limités parce qu'on va d'apparent. D'accord? Allah nous le demande clairement. Allah, il nous dit clairement, c'est lui-même qui nous donne l'ordre. Et sur les choses qui sont apparentes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une personne qui, malgré l'accessibilité au Coran, malgré l'accessibilité aux musulmans, au dialogue, etc., n'a pas embrassé l'islam. D'accord. Donc nous, à partir de ce moment-là, on fait ce qu'Allah, avec notre petitesse, nous a demandé, à savoir émettre des jugements pour des restrictions islamiques. Et notre jugement pour notre restriction islamique, c'est quoi? C'est que de ce qu'on a vu de sa vie, de ce qu'on a vu d'apparent, il n'était pas musulman. La restriction islamique, c'est quoi? C'est de pas l'enterrer dans un cimetière musulman, de pas faire salat janaza sur lui, hein, et de pas invoquer pour lui. Maintenant, si la shahad, ce que j'espère pour lui avant de mourir, alhamdoulilah, j'espère qu'il a shahad, sincèrement, de tout cœur, j'espère qu'il a shahad. Mais il ne faut pas que le sentimentalisme, il ne faut pas que l'émotion prenne le dessus et prime sur l'argumentatif islamique. Voyez, je dis souvent, quand Ibrahim alayhissalam a reçu l'ordre d'égorger son fils, il n'a pas commencé à philosopher. Voyez, il a obéi à Allah, ça l'a fait du mal, mais il a obéi à Allah. Je veux dire, il faut dépasser ce carcan sentimentaliste. Je ne dis pas que l'islam est une religion, voilà, autoritaire, etc. Mais non, mais je veux dire, il y a des règles. Comme toute chose. Quand tu rentres à l'armée, il y a des règles. Quand tu rentres dans un pays, il y a des règles. Tu rentres même dans une petite maison, dans un petit appartement, 10 mètres carrés, il y a des règles. L'islam, il y a des règles. Ad-din, hein, son sens légal, d'accord? Sens légal et même linguistique veut dire quoi? Veut dire un système, des lois sociaux, hein, dans le pénal, des lois juridiques, etc. Un système de vie, un mode de vie. Ce n'est pas seulement religion ou religare, pour reprendre le terme de Cicéron, hein, dans l'ordre de la transcendance. C'est plus que ça. Et donc les gens doivent vraiment être conscients de cette importance. Tout simplement. Et donc, oui, il a beau être pour la Palestine, il n'y a aucun problème, mais Allah, il nous dit clairement dans le Coran, c'est Allah, subhanallah. Je ne veux pas vous mentir, jamais de ma vie j'aurais cru faire un audio et parler de ça, parce que je pensais que les musulmans, au moins, étaient conscients de ça. Enfin, quand je dis les musulmans, bien sûr, je parle de cette parcelle-là de populace musulmane qui ont commencé à dire RIP, etc. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, RIP, faut arrêter de déconner. Vous voyez, vous, des sahabas dire RIP, voilà, ça fait un peu boutonneux, fan de skateboard, quoi. Enfin, hein, rest in peace. Enfin, soit. C'était un peu mon côté, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'important. Et quand c'est l'islam, c'est qarrala, qarrala sur, c'est tout, voilà. Et la qiyas, c'est l'analogie des savants sur les situations contemporaines, toujours sous la tutelle du Coran et de la Sunna. Faut pas commencer à aller à gauche, à droite. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, ni pour son oncle, ni pour aucun d'autre. Et puis certains vont venir en disant, oui, mais Négus, mais Najashi, il a embrassé l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat janaza sur lui. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un mode de vie. On est tous d'accord, parce qu'au bout d'un moment, franchement, faut arrêter. On est tous d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. D'accord, trouvez-moi un seul, mais je veux dire, un seul atome de hadith, ne fût-ce que une lettre qui permet ce genre d'acte. Hein? Peu importe l'apparent de la négation du tawhid ou non, peu importe, ouais, ça peut être un martyr, ça peut être un musulman. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas. C'est justement parce qu'on les respecte, les non-musulmans. C'est parce qu'on les respecte qu'on veut leur bien. Parce que c'est quoi vouloir le bien de quelqu'un? C'est quoi? C'est lui payer un voyage à Tahiti, à Miami. C'est quoi vouloir le bien de quelqu'un? Lui payer le plus grand palace qui existe au monde. Non, vouloir le bien de quelqu'un, c'est vouloir que quand cette personne, quand son âme quittera son corps, qu'elle sera destinée au paradis. C'est ça vouloir le bien de quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu veux son bien, quand tu la respectes, tu veux qu'après sa mort, parce que tu sais que cette vie n'est qu'un test, tu veux qu'après sa mort, elle aille au paradis. Mais comment tu peux la respecter si tu la mens? Si tu lui mens? Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Tu respectes plus une personne en disant que toute personne qui n'embrasse pas l'islam est vouée à l'enfer, comme Allah le dit dans le Coran. Nous, on juge sur les actes apparents. On ne sait pas après la destination, on ne sait pas si la personne a shahad, mais on juge sur les actes apparents. Et tant que jamais le prophète sallam a fait des doigts pour une personne morte kafir, donc dans l'état négateur au tawhid, pourquoi nous on va le faire? Vous voyez, ça c'est très très très très important. Ensuite, le point suivant, c'est que maintenant, même si on rentre dans l'optique à savoir, tout ce qui a été dit est bon, en fin de compte. D'accord? Oh ouais, Mandela, si ça, apparent ou pas apparent, etc. En plus, l'islam, on va pas rentrer dans le haqiqa, dans la réalité légale, on va seulement rentrer dans la réalité linguistique ou voire pire, usuelle, etc. Donc ouais, peut-être Mandela, si, peut-être Mandela, ça, d'accord. Admettons que tout ça est vrai. Ok. Mandela était président. D'accord? Mandela était législateur. Ok, donc Mandela indirectement associé à Allah dans l'ordre de la législation. Il établissait, il était en train d'actionner ce qu'on appelle du shirk al-hakimiyya. Donc même si ça aurait été le cas, on va le mettre au même piédestal que, je sais pas moi, qu'un gouverneur d'un pays arabe, d'accord. Je vais pas vous faire un dessin. Je veux dire, c'est clair par rapport à ça, d'accord. Par exemple, un truc tout simple. Anir Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, sur son livre sur le monothéisme, il donne une définition du taghout. Et il prend taghout et il dit Tara, c'est le fait de se rebeller contre Allah. Se rebeller, et indirectement via plusieurs axes. Et une des façons de se rebeller, comme Iblis, qui est un taghout, qui s'est rebellé, comme le sorcier, qui est un taghout, qui s'est rebellé parce qu'il essaie de concurrencer, il se rebelle et il essaie de concurrencer Allah dans une science qui est propre à Allah, qui est al-ghayb, et lui, il la prend pour lui, et en plus, elle est faussée. Et après, il y a le législateur, donc le juge et le gouverneur. Ok, donc même si on va partir du principe que ouais, en fin de compte, il avait raison pour Mandela, mais il était un législateur. Vous voyez? Et subhanallah, il suffit de faire ses recherches. C'est aussi simple que ça. Donc moi maintenant, le but de cet audio, c'est pas genre, parce qu'à un moment donné, il dit une phrase, si je me rappelle bien, du style. Oui, c'est pas en jetant tout le monde à l'enfer que vous serez promis au paradis. Mais personne n'est à l'abri de l'enfer. Personne. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont persuadées de mourir clairement, de mourir et aller clairement au paradis, c'est qu'ils ont un problème. Là, c'est même plus d'ordre islamique, c'est plus d'ordre religieux, c'est psychologique. Personne. On le sait tous. Faut arrêter. Et comme disait l'autre, l'enfer, c'est les autres. Oui, on connaît cet adage. Mais personne dit ça. C'est juste. L'islam a un dogme immuable, faut pas y toucher. S'il y a des règles établies, il faut pas y toucher. Maintenant, j'espère pour moi, j'espère pour tout le monde, Inch'Allah, que si on meurt, on ira au paradis. Bien sûr qu'on l'espère, et je l'espère pour tous les non-musulmans. Quand je dis que j'espère qu'ils embrasseront tous l'islam, qui est tout simplement la continuité des vrais messages. Et qui a abrogé celles qui ont été falsifiées. Elle est pour toute l'humanité. Elle est descendue en langue arabe parce que c'est la langue la plus riche au monde. Et elle est pour toute l'humanité. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais le fait de dire, oui, voilà, à force de dire. Parce que, je ne sais pas si certains ont une pathologie, peut-être qu'il y en a. Hein. Certains, ils ont une pathologie à dire, oui, vous allez tous crever en enfer et ils sont contents. Ben, ce sont des malades mentaux. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais attention, c'est pas parce que il y a des exemples extrêmes, des exemples farfelus, perturbés d'un côté, qu'il faut généraliser toute une pensée générale. Et en plus, cette pensée générale vient des références orthodoxes musulmanes. Voilà. Donc le fait, si vous voulez, tout est une question de lucidité. Ni être trop émotionnel, d'accord? Ni être, voilà, tout est par rapport à la lucidité. La lucidité islamique nous fait dire quoi? Nous fait dire qu'une personne qui meurt dans un état apparent de non-musulman, alors qu'il avait accessibilité au message, on ne parle pas des cas précis de gens qui n'ont pas un rapport direct avec l'islam, le Coran, qui n'ont jamais entendu parler de l'islam et qui meurent dans cet état-là. Non, Allah, non, on parle dans le Coran. Là, on parle de personnes qui ont eu l'accessibilité à travers toute leur vie à lire le Coran, ont entendu parler de l'islam. Mais n'ont pas fait les démarches pour se convertir. Maintenant, c'est entre eux et Allah. Mais nous, on juge sur l'apparent. Et c'est très, très grave. Donc, je termine et je conclue. Tout simplement, cet audio n'a aucune animosité. Il n'y a pas je veux dire, il n'y a aucune animosité. Aussi bien contre Al-Ramadan dans un plan humain, j'ai aucune animosité contre lui. Mais là, ça a touché, de façon idéologique, c'est plus porté vers l'axe dogmatique. Il n'y a aucune animosité contre Nelson Mandela. Je veux dire, ouais, c'est sûrement quelqu'un qui a fait des choses bien. Mais voilà, sur ce qu'il nous a montré d'apparence, ce n'était pas un musulman. Et ce n'est pas par rapport à lui ou par rapport à un autre, ou ci ou ça. C'est tout simplement par rapport à l'islam et ce qu'on en fait dire de nos jours. Et c'est très grave. Voyez? Et en même temps, je reviens sur une dernière chose. Souvent, des gens disent, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de bien. Parce que moi, je dis souvent, il a fait de bonnes choses, il a sûrement fait de bonnes choses. Mais je dis jamais, c'était quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que seul Allah a le vecteur pour savoir la bonté ou non d'une personne. Une personne, par exemple, peut être le plus généreux envers les pauvres, nourrir des centaines de pauvres et être tyrannique avec ses parents. Une personne peut être très bon en public et être un blasphémateur, un trinitaire. Vous voyez, en fait, nous, en tant que musulmans simples mortels, dont la raison est restreinte, on ne peut pas, on n'a pas ce vecteur-là à savoir canaliser et gérer ce qui et déceler ce qu'est un homme bon ou non. On ne sait pas. Mandela, on ne connaissait que de l'apparent, d'un point de vue islamique, il n'y avait pas d'islam, point barre. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il faisait. Et moi encore, j'espère pour lui qu'il a shahad. Mais khalas, je veux dire, ça suffit au bout d'un moment. Faut arrêter de déformer la parole d'Allah. Et arrêter de dire, c'était un homme bon, un tel était un homme bon, un tel était une femme bonne. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu peux nourrir 1000 pauvres et tyrannique avec tes parents. Lancer le fameux ouf, ouf à tes parents. Tu peux nourrir ce que tu veux et être trinitaire. Allah, il nous dit quoi dans le Coran? Qu'il pardonne tout sauf la mécréance. Il pardonne tout sauf l'association. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il n'a pas dit, il pardonne tout sauf le vol, il pardonne tout sauf le meurtre, il pardonne tout sauf l'association. Donc même si, par exemple, un criminel, hein, tu es un criminel, tu as tué des hommes, après tu regrettes et tu n'associes pas Allah et tu n'es pas négateur envers son tawhid. Et d'un côté, tu as une personne qui n'a jamais tué quelqu'un, mais qui associe Allah. Eh bien, sachez que pour Allah, Azawajal, qui le dit clairement dans le Coran, la plus grande injustice, ce qui est plus grave, c'est d'avoir associé Allah. Et là, le sentimentalisme ne doit pas rentrer. Ne doit pas rentrer du tout. Deux dernières choses et puis je vais conclure, Inch'Allah, parce que j'avais oublié, enfin j'avais noté ça au verso. Donc au début de la vidéo, vite fait, il parlait du fait que chaque être humain naît humble. Oui, mais ça c'est la fitra. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant, hein, il est atteint d'une fitra, c'est-à-dire que il est musulman dans le sens où Allah lui donne ce côté humble quand il est créé, mais c'est ensuite, si vous voulez, les facteurs de sa vie sociale, son éducation, du forgeage de son caractère qui va suivre, qui va faire en sorte qu'il va continuer dans cette voie-là ou non. Ok? Et le deuxième point aussi, c'est quand il prend le verset qui fait mention du fait qu'il faut avoir une concurrence dans le bien, se concurrencer dans le bien. Mais là, il suffit de lire le tafsir. Ça parle de qui? Ça parle des musulmans. Tout simplement. Parce que pour la énième fois, Allah nous fait comprendre clairement dans le Coran que tant que nous n'avons pas le tawhid codifié, pas seulement le fait de croire la croyance en une entité divine, donc tant qu'on n'a pas le tawhid codifié, et tout ce qui en suit, toute implication qui en suit, les actes ne servent à rien. Elles sont vaines. Comme Allah le dit clairement dans le Coran, elles sont vaines. Donc voilà. C'est voilà, maintenant je vais conclure. Enfin, c'est fini. Et voilà, donc encore une fois, voilà, cet audio c'est vraiment pour le bien. C'est vraiment pour le bien des musulmans, des musulmanes, même si, même pour le bien de Tariq Ramadan, on ne sait jamais s'il écoute, j'en sais rien. C'est vraiment pour le bien, il n'y a pas d'animosité, mais c'est juste, voilà, il ne faut pas toucher à des règles qui sont déjà établies. Donc, que ce soit moi, un simple abruti, que ce soit des savants de haut rang ou n'importe qui, chacun à son échelle, doit défendre l'islam, d'accord? À son échelle, à sa manière. Certains, certes, avec maladresse, d'autres avec plus de tact, plus de lucidité, plus d'intelligence, plus de flexibilité, un côté plus limpide, plus explicite. Ça dépend des personnes, mais le plus important, c'est de défendre l'islam quand elle est attaquée dans son dogme. Certes, le dogme est immuable, il ne bougera pas, l'islam ne changera pas, mais certains essaient de la déformer. Je ne suis pas en train de viser indirectement Tariq Ramadan, peut-être que c'est fait de façon involontaire, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même grave, et le but est de réunir autour de la vérité. Enfin, soit. Qu'Allah Azawajal nous raffermisse autour de la veritas, autour du tawhid, autour du vrai. Qu'Allah nous guide, nous ainsi que les non-musulmans. Amin. Salam.